Tout d'abord, bienvenue à la Team Apache. Ici, les cours commencent à 18h30. Donc, je suis entraîneur de boxe anglaise. Donc, j'ai commencé en boxe anglaise, j'ai fait de la compétition. Donc, en boxe anglaise et en kickboxing, en compétition. Voilà. Je commençais, je sortais. Ouais, bah en fait, je m'étais fait virer du lycée. Et après, bah, y a mon voisin qui m'a ramené dans ce club-là. Parce qu'il voyait que j'étais beaucoup violent avec les proches. Et du coup, bah, il m'a inscrit là. Et depuis, bah, c'est cool, ça roule. J'ai commencé, j'avais 17 ans, voilà, j'avais besoin de me dépenser, je vais le dire comme ça, hein, c'est vraiment vrai, hein. J'avais besoin de me dépenser, j'étais bien turbulent avant, voilà, gentil garçon mais turbulent. Ils font du K1, donc ils se rapprochent au kickboxing et de la boxe thaï. Jean Vagel, effectivement, il a des très bons boxeurs, il a des vrais guerriers. Bonjour, je m'appelle Charles Messin, j'ai 21 ans. En fait, pour moi, la boxe dans le travail, c'est s'entraîner et affronter les adversaires. Et là, je l'ai vraiment vu en réel et je souffre à la place d'eux, en fait. Et pour quand celui doit donner des coups, il a de la force dans ses bras et ouais, je pense que ça défoule. Le sport, c'est ma famille.